en remplacement de Jacques Beauchamp, ici Alain Crevier. Aujourd'hui, l'histoire baseball. Chaque sport a son obsession, a sa clé et a son esprit. Mm-hmm. Chaque sport. Le baseball a une vérité, une obsession. Ça tourne autour de quelque chose. Et ça tourne autour de l'infini. Parce que c'est un sport où il n'y a pas de temps. Et c'est plate. Et c'est sa platitude qui est son secret. C'est zen. Mais le vrai zen. Serge Bouchard qui parle de la platitude. En fait, entre la platitude et la zénitude du baseball à l'émission Indicatif Présent, c'était le 3 mai 2001. On associe spontanément le baseball aux États-Unis, à juste titre probablement, mais aujourd'hui, le baseball se joue partout dans le monde. 120 pays, 50 millions de pratiquants, pas juste des adeptes, des pratiquants. Et c'est même devenu une discipline olympique. Finalement, la lenteur du baseball, c'est peut-être son arme secrète. Deux balles d'une prise. Balle tirée. Oh, il est sur le pour la vue! White s'en vient au monde! Victoire des Expos 6 à 5! Wayne Flador! Goldero! Les joueurs sont au monde qui fait derrière le petit deuxième but. Et ça fait tout le monde sur le dos de Goldero. On disait entre platitude et zénitude, mais il y a des moments plutôt explosifs. Alors, pour parler de l'histoire du baseball, nous recevons l'historien Donald Coutier-Letta de la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Mais c'est vrai, hein, on dit c'est tranquille le baseball et tout ça, mais il y a des moments qui sont explosifs comme ce qu'on vient d'entendre. C'est un sport spontané, parce qu'on entend... On est là, dans le stade, on voit les 9 joueurs sur le terrain. Il ne faut jamais oublier que c'est la défensive qui a la balle. Pas l'offensive, la défensive. Et on ne sait pas ce qui va arriver d'une seconde à l'autre. Et c'est là que ça arrive spontanément. Boum! Il y a un coup de sourd. Là, vole le deuxième. Ça se retend un peu. Fait qu'on a le temps même de jaser avec son voisin à côté, sortir le journal, lire un petit peu. Puis là, à un moment donné, il y a une situation qui se développe. Là, on met ça de côté et on regarde. Parce que ça arrive comme ça. Et c'est ça le baseball. C'est lent, mais en même temps, ça a des surprises constamment. Puis, pour moi, c'est le jeu d'échecs qui se joue sur le gazon. Espérons que ça reste sur le gazon. C'est ça la question aujourd'hui, hein? Mais c'est tellement lent qu'à la 7e manche, il faut se lever debout. Oui, mais c'est voulu, ça. Parce qu'effectivement, il fallait un peu d'exercice. Parce que 7 manches assis constamment, rendu au 7e. Puis il faut dire, c'est 7, 8, 9, ce sont les manches que généralement, surtout quand on joue à domicile, on veut que l'équipe gagne, notre équipe gagne. Donc à ce moment-là, c'est une façon pour les fans de se lever debout, faire un peu d'exercice, on chante, on bouge un tout petit peu. Mais en même temps, c'est un peu les meneurs de claque. Les fans deviennent les meneurs de claque pour leur équipe à domicile pour dire, bon là, il reste 3 manches, on perd par 2 points, allons-y pour la victoire, là. Mais vous qui aimez le baseball, oui. Ça vient d'où? Juste, on dirait que partout sur la planète, les humains avaient besoin de frapper sur des balles. Mais d'où ça vient le baseball? Ben, ça vient des États-Unis, mais ça vient surtout d'une transposition, on peut dire, du jeu qui s'appelle le cricket, hein, le cricket anglais. Puis il est arrivé aux États-Unis, puis même on dit qu'avec les Anglais, durant les 13 colonies, puis surtout après la Révolution, il y a certains États, particulièrement les États du Nord-Est, où on a encore finalement une attache avec la Grande-Bretagne, même si on a fait la Révolution, l'attache à la Grande-Bretagne culturellement est très, très importante, qui fait qu'on joue au cricket. Mais à un moment donné, il y a des jeunes Américains qui ont commencé à regarder ça, puis ils ont trouvé des variétés du cricket. Et on appelait ça, effectivement, rounders. Puis rounders, c'est un peu, c'est courir les coussins. On court en rond. Hein? Oui. Rounders. Et c'est comme ça que ça a commencé, mais ça veut dire aussi que chaque ville avait sa façon, son adaptation aux règles, comment qu'on joue avec les règlements, comment est-ce qu'on frappait. À un moment donné, je veux dire, on était même sur aujourd'hui, on joue qu'on joue 9, hein, sur le terrain, puis Il y a des règles, là. Très clair, 9 sur le terrain, puis avec le frappeur dans l'enclos qui frappe. Mais, dans ce temps-là, il pouvait avoir jusqu'à 15 personnes au champ, comme on dit. On jouait au champ, il était à 15, déjà vers 20. Coudonc, c'était un sport communautaire, jadis. C'est exactement ça. Puis il faut voir aussi que ça a commencé à jouer à la campagne. Ça n'a pas commencé à jouer dans les villes, c'est joué à la campagne. Dans les terrains, effectivement, dans les champs. Quand on dit les champs, alors c'est qu'on joue au champ droit, champ gauche, c'est exactement ça. C'est vraiment les champs. Left field, field. Les Américains disent field. Nous, on appelait ça les champs. Tu vas jouer au champ. Tu cours pas très vite, t'es pas bien bon pour prendre les balles au sol, va jouer au champ. Mais c'est à ça, on jouait dans un champ. Puis finalement, ce champ-là, quand la game était finie, mais c'est les vaches qui prenaient la place. Tout simple que ça. C'était un jeu, effectivement, qui est à l'entour de ce qu'on appelle une vie pastorale. Hein? Les fermes et tout ça. Petit à petit, ça s'est rendu dans les villes. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé à la révolution industrielle, finalement, les villes étaient vraiment structurées, c'était rationnel et tout ça. Mais aussi, il y avait de la pollution. Donc, où est-ce qu'est l'air de la campagne? Et c'est là qu'on commençait à dire, mais il faut jouer au baseball dans les villes. Puis on fait amener le pastoral dans la ville. Et c'est pour ça que les stades étaient des stades ouverts. Et en plus de ça, c'était sur le gazon. Et ça ne se jouait pas le soir? Ça se jouait l'après-midi. Donc, les gens quittaient leur emploi. C'est aussi simple que ça. Puis, il y avait une game de baseball. Peut-être qu'ils perdaient leur emploi aussi. C'est aussi que c'est devenu Walt Whitman, le grand poète américain, qui a vraiment saisi, on peut dire, la mentalité des États-Unis. Hein? Parce que moi, je considère qu'on est tous des Américains, on vit dans les Amériques. Mais les États-Unis, il a saisi ça en disant que c'est le passe-temps. C'est lui qui a dit que c'était le passe-temps. Pour, effectivement, saisir l'air, respirer, faire de l'exercice, pas de contact physique. On n'est pas là pour tuer notre opposant. Et tout ça, dans le fond, on frappe une balle. Oui. aujourd'hui, c'est sûr que parfois, il y a des petites batailles qui arrivent sur le terrain, mais c'est rare. Puis c'est surtout à cause du professionnalisme, puis l'argent, puis il faut gagner, puis tout ça. Mais au début, c'était pas ça, mais pas du tout. Vous parlez du professionnalisme. Quand est-ce que ça se professionnalise, si vous me permettez cette expression-là? Le baseball qui est parti des pâturages, littéralement, pour arriver à quelque chose où on paye très cher. Mais la professionnalisation du baseball. Fin 19e siècle, avec la fondation de la Ligue nationale. Puis c'est fondé où? Dans la ville de New York. Parce que la ville de New York, c'est quand même la ville industrielle, Wall Street, l'argent, les investissements. C'est l'argent qui est là, qui peut fonder une ligue. Puis ils ont fondé la Ligue nationale. Donc, il y a 6 équipes, mais qui viennent de où? Toute la région de New York. Il y avait un bassin important aussi avec la population et tout ça. Donc, l'argent est là. On a fondé cette ligue-là. Puis par la suite, on a fondé la Ligue américaine. Mais c'est la Ligue nationale qui était le premier. Donc, à travers cette ligue-là, on commence à professionnaliser. Les gens commencent à penser que c'est une carrière. Bon, la carrière, elle dure pas aussi longtemps qu'elle peut durer aujourd'hui. Il faut dire que les salaires sont pas comme les salaires d'aujourd'hui non plus. Non. Ça, c'est l'autre chose. Mais les gens sentent le besoin. Et très vite, ça devient plus qu'un passe-temps. Ça devient, avec le professionnalisme, un sport national qui rapporte beaucoup. Les gageux viennent par la suite, on sait tout ça, qui fait que les hommes, c'est surtout les hommes à ce moment-là, on parle fin 19e jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est beaucoup plus les hommes blancs, les noirs ne sont pas permis de jouer au baseball, ils ont leur ligue en parallèle. Je vais vous parler de ça, comment ça s'appelle, la Negro League? La Negro League. Pas plus compliqué que ça. Donc, de noirs dans la ligue majeure. Il n'y a pas de noirs là. C'est la ligue en parallèle de Negro Leagues. Puis c'est clair que les autres, ils jouent pas nécessairement dans les grands centres, mais dans les bourgades, dans les quartiers. Et c'est peut-être la ligue qui était beaucoup plus proche, des racines du baseball. Eux, ils retournent à la campagne, dans les petits villages où les Noirs vivent. Parce qu'ils n'ont pas le droit nécessairement de vivre dans les grands centres urbains, parce qu'ils n'ont pas nécessairement le droit de travailler dans certains endroits, ni de vivre là. Fait qu'effectivement, ils font des tournées comme ça. Cette ligue des Noirs, de Negro Leagues, commence en jouant des jeux, des parties, de hors concours, qu'on peut appeler aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement une cédule. Fait que là, on amène le baseball au sein de la population des Africains-Américains. Et dans les faits, on revient finalement aux racines. On retourne au petit village, on retourne au petit... la campagne. Ils font les tournées. Ils appellent ça barnstorming. Encore aujourd'hui, il y a du monde qui fait du barnstorming. Donc, le joueur qui vit au Vermont, M. Bill Lee, il parle encore de barnstorming. Mais c'est les Noirs qui ont fait ça. Parce que dans les villes, on les interdit. Donc, si on va à un stade de baseball, mettons en 1912 ou 1911 aux États-Unis, à New York, on regarde, il y a peut-être 30 000 personnes, mais c'est tous des Blancs. Puis pas de femmes non plus. Ça, c'est l'autre chose. Les femmes vont venir beaucoup plus tard. Donc, les Africains-Américains ont décidé de former leur propre ligue. Puis la façon qu'ils jouent au baseball, eux, c'est moins structuré, moins rationnel, plus, on peut dire, anarchique, qui fait que finalement, c'est un baseball beaucoup plus attrayant. Oui. Beaucoup plus attrayant. On vole des buts. Dans le sport qui était fait par les Blancs au début du 20e siècle, on vole pas les buts, on frappe. C'est la puissance. Ça va avec la conception industrielle de l'économie américaine. On frappe fort, on a des gros cogneurs. Les Noirs disent, on a des cogneurs, mais on a des bons lanceurs qui inventent l'évancé en plus. Satchel Paige, il lançait... On a demandé à un moment donné à Satchel Paige, combien de lancers que tu avais? Il dit, moi, j'en ai au moins une vingtaine. Donc, la balle tombante, la courbe. Toutes sortes de façons. Ouais. Puis en plus, ils autres, ils volent à des buts. La vitesse. Ils jouent qu'est-ce qu'on appelle le frappé court beaucoup plus souvent. Dans ce que la ligue, les ligues majeures des Blancs, c'est dans les coups de circuit. Mais on ne peut pas parler de la Negro League sans parler d'un personnage. Et là, ça nous ramène chez nous. Oui. On l'oublie, puis des fois, on a peut-être tendance à imaginer que c'est moins important que celui, c'est Jackie Robinson. Jackie Robinson, c'est peut-être... Moi, je pense que pour nous, et pour les Africains-Américains, puis pour les États-Unis en général, c'est peut-être le personnage le plus important. Au niveau de cette libération des Noirs, de tenter de commencer à penser qu'ils peuvent être intégrés dans la société états-unienne, mais même ici. Et à l'époque, quand Jackie Robinson a joué un an hein, pour les Royaux de Montréal au Stade des Lauriers, puis il avait gagné, il était là pour un an, il a gagné le, qu'est-ce qu'on appelle le petit série mondial à l'époque, parce que c'est une ligue de 3A dans laquelle il joue. Et il avait été envoyé par Branch Rickey, qui est un peu, on peut dire, la sommité de la mythologie des Dodgers de Brooklyn, qui sont devenus par la suite les Dodgers de Los Angeles. Et Branch Rickey sentait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le moment d'intégrer. Puis il avait vu, il avait été voir les Negro Leagues, puis il n'en revenait pas voir le talent qu'il y avait là. Mais ça demandait quand même, il fallait avoir du front là, pour réussir à... Il fallait avoir du front, faut pas avoir peur, parce qu'on confrontait vraiment le ségrégationnisme racial qui existait aux États-Unis. On parle après la Deuxième Guerre mondiale. Jackie Robinson a des histoires quand il est allé jouer dans le Sud, parce que le 3A, la Ligue de 3A, il y avait une équipe à Montréal, il y avait une équipe à Toronto, puis le reste des équipes étaient dans le Sud des États-Unis. Là. Donc, Jackie Robinson n'avait même pas le droit de sortir de l'autobus, d'aller manger sa sandwich au comptoir. Il n'avait même pas le droit d'étudier les toilettes. D'ailleurs, c'est les autres joueurs qui sont allés chercher la bouffe pour Jackie Robinson pour qu'il puisse manger tout seul dans l'autobus. Et c'est comme ça qu'il faisait la tournée à l'époque. J'ai un extrait à vous faire écouter. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. On rejoint là, cette histoire-là. C'est tiré de l'émission Bonsoir l'ambiance. C'est le 21 février 1996. Ça peut ressembler à du commérage que vous allez entendre, mais ça en dit long sur l'impact de la présence de Jackie Robinson à Montréal. Ah oui. La première fois, c'est quand ils sont arrivés à Montréal. Ils sont venus demeurer à côté de chez nous. Ils ont sous-loué une maison de notre voisine qui était là. Et puis, tout bonnement, on s'est présenté comme ça, comme voisin. Puis... quand on l'a vu, on l'a reconnu tout de suite, Jackie Robinson, quand on l'a, surtout qu'on l'a appris, la femme qui reste à côté de chez nous, Jackie Robinson s'en vient ici, Jackie Robinson, c'est là qu'on savait. Là. On avait commencé à apprendre l'histoire de Jackie Robinson. Fait qu'on était bien content, mais quand on s'est présenté, c'est-à-dire, on a vu que c'était un gentleman. C'est devenu comme un ami tout de suite, comme ça, on parlait comme des amis. Fait que ce soir-là, après 4-5 games, j'avais été là, puis là, on attendait sur le perron de M. Méthode, puis Jackie Robinson est arrivé, puis là, il demande à M. Méthode, fait qu'il a dit de Jimmy, c'est un amateur de baseball, puis il m'a donné la main, puis là. Fait que là, après qu'il était parti, j'ai dit à tourne, j'ai dit, je pense que je m'attends une couple de jours sans prendre ma douche, j'ai pas envie de me lever la main, j'ai donné la main à Jackie Robinson. Ça a l'air du commérage, mais il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose de profond, parce que c'est une reconnaissance, premièrement, de notre part, les Canadiens français qu'on appelait à l'époque, vis-à-vis les Noirs américains, puis vice-versa. Il ne faut pas oublier, il y a Maurice Richard aussi, à cette époque-là. Et puis Maurice Richard a toujours été l'icône des Canadiens français. Se battre pour un peuple qui veut être connu, point. Et vous pensez qu'on faisait une certaine forme d'alliance ou pas d'alliance, mais je ne sais pas comment dire. Je pense pas subjectivement, parce que j'ai essayé de faire une recherche là-dessus aux États-Unis puis ici au Canada sur ça. J'ai pas vu rien de formel sur ça. Mais objectivement, à l'intérieur, j'écoute les messieurs qui parlaient, vous sentez quelque chose de profond dans ce qu'ils disent. Moi-même, je suis ému quand je parle de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de profond. Ce sont des icônes qui ont été par la force de leur sport. pas par des grands discours politiques, là. Mm-hmm. La force de leur sport, être qui ils sont. Ils sont devenus des icônes pour chacun de leur peuple. Et c'est un moment important dans le mouvement contre la ségrégation. Absolument. Absolument. C'est fondamental. Là-dessus, il y a plusieurs historiens aux États-Unis qui vont dire clairement que c'est là que commence la lutte contre la ségrégation raciale. C'est sûr, il y a eu l'intégration de l'armée durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais véritablement, je pense, moi, c'est Jackie Robinson. Parce qu'aux États-Unis, à ce moment-là, quand ils s'en vont jouer pour les Dodgers de Brooklyn, le baseball est plus que... C'est le sport national à l'époque. C'est pas le football. Aujourd'hui, on peut parler de football, c'est différent. Mais à l'époque, c'est quoi? C'est le baseball. Donc, tout le monde se réfère au baseball quotidiennement, soit en y allant au parti, soit en regardant les pages sportives, soit en discutant, soit en gageant, whatever. Et quand arrive Jackie Robinson? Quand il a joué avec les Dodgers de Brooklyn, il y avait un très bon joueur qui jouait à l'haricot, qui s'appelait Pee Wee Reese, qui est quand même encore aujourd'hui un des grands joueurs qu'on a connus. Pee Wee Reese venait du Sud. Il détestait les Noirs. Il y a eu énormément de misère à accepter que Jackie Robinson joue pour les Dodgers de Brooklyn. Ça a pris quelques années, jusqu'à temps que Pee Wee Reese a vu jouer Jackie Robinson quotidiennement. Parce que le baseball se joue quotidiennement. Ben oui. C'est ça la question. C'est complètement différent des autres sports. C'est pas deux, trois fois par semaine. Non, non. Parce qu'effectivement, il n'y a pas nécessairement de contact physique qui fait que bon, on peut se blesser, évidemment. Mais c'est dans le quotidien. Parce que plus qu'on joue au baseball, plus on améliore nos capacités. C'est un sport de répétition, quelque part. Et là, Pee Wee Reese, regardant qu'est-ce que faisait Jackie Robinson, puis là, il a connu, il dit, avant, c'est un grand joueur de baseball. Et petit à petit, ça a commencé. Il est devenu son plus grand ami. C'est incroyable, n'est-ce pas? Il faut là... que je vous amène d'ailleurs, Donald Cuccioletta, parce que vous dites, vous, que le baseball, le syndicalisme à l'intérieur du baseball a été marquant pour le sport professionnel, plus que dans les autres sports, que ça a été des moments forts, ça, la place du syndicat, oui. Les représentants des joueurs. Oui. C'est vrai, ça? Oh, c'est tout à fait vrai. Ça a commencé avec Kurt Flood, qui finalement disait, « Quand je signe un contrat, je deviens un esclave. » Puis Kurt Flood était un noir. Il ne faut jamais oublier ça, là. Là, on dit, comment ça? Il dit, vous êtes bien payé. Il dit, oui, mais si moi, je veux être échangé ailleurs, j'ai le droit. Je suis un être libre. C'est ça que ma société me dit. Je suis un être libre. J'ai même le droit de vote aujourd'hui. Et là, ils ont dit, bon, il faut s'organiser. Et c'est là qu'arrive Marvin Miller. Marvin Miller qui travaillait avec le AFL-CIO. Hein? Il travaillait avec les métallos et tout ça, puis qui était dur au niveau des négociations, puis qui avait une conception que finalement, même le joueur de baseball, puis à l'époque, il considérait que les joueurs de baseball étaient mal payés, puis tout à fait vrai, comparativement aux autres, évidemment, surtout aux propriétaires qui faisaient des millions et des millions. Et effectivement, le syndicalisme du baseball a amené le syndicalisme dans les autres sports. Les autres joueurs regardaient ça et disaient, écoute, ils ont des règlements, ils ont des contrats, des conventions collectives qui disent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec eux, on ne peut pas les transférer où est-ce qu'ils veulent, belle pas aller. Ils ont des droits, ils sont des humains. Pourquoi qu'on ne les aurait pas? Et c'est là que Doug Harvey, hein, à Montréal, a commencé à parler de syndicalisation dans la Ligue nationale de hockey. Et ailleurs aussi, le football aussi, etc. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que les mondes vont dire, bien, ils sont syndiqués, mais il y en a qui gagnent des millions par année. Oui, mais au niveau des droits humains. Puis moi, je pense que le baseball, le syndicaliste du baseball, est venu à partir des droits humains. C'est pour ça que je mentionnais Kurt Flood. C'est de voir que finalement, oui, ils gagnent de plus en plus d'argent, mais c'est la façon qu'on les traitait à l'époque. On les traitait comme... Kurt Flood dit, je suis un morceau de viande. Incroyable quand même. C'est dommage pour les... Petite parenthèse. C'est dommage pour les expos parce que, vraiment, c'est avec la grève des joueurs que finalement Montréal a raté sa chance historique de rentrer dans les... C'est sûr que quand on fait des grèves, il y a des bons positifs, mais il y a toujours les questions négatives. Dans le cas de nous à Montréal, effectivement, ça nous a empêché d'aller fort probablement à la Série mondiale. J'ai un extrait à vous faire écouter, M. Cuccioletta. Vous allez voir pourquoi je le trouve intéressant, cet extrait-là. C'est Donald Gay que vous allez entendre. Oui. Il est historien du sport. Cet extrait de l'émission Au fil du temps, ça a été diffusé le 19 septembre 1991. Le baseball pénètre au Québec par des étudiants américains qui viennent étudier dans les collèges classiques qui ont très bonne réputation. L'Assomption, Nicolet, Sainte-Marie à Montréal. Donc, ce sont des jeunes Américains qui vont initier les jeunes Canadiens-Français. À Saint-Hyacinthe, par exemple, ça se développe très rapidement, au point où le capital du baseball au 19e siècle, c'est pas Montréal, c'est Saint-Hyacinthe, qui a une équipe professionnelle dans la Ligue de l'Est composée principalement, évidemment, d'équipes américaines. Pourquoi? Parce que les grands joueurs américains et même les franco-américains viennent à Saint-Hyacinthe. Et là, le franco-américain par excellence, c'est Larry Lajoie, dont la presse américaine dit que c'est le meilleur joueur de son époque. Et le baseball est tellement populaire aussi au Québec qu'en 1875, je pense, la Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Hyacinthe, le baseball fait partie du programme de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est quelque chose. C'est incroyable, hein? Non, mais savez-vous pourquoi je trouve cet extrait-là important, je voudrais qu'on conclue là-dessus? C'est parce qu'on dit toujours que dans notre génétique, nous, les Québécois, les Canadiens, c'est le hockey. Et il y en a que pour le hockey. Oh, il y en a un peu pour le baseball, le football, là, mais le baseball, non, la preuve, c'est que les expos, ça n'a pas marché, puis il n'y avait plus personne qui voulait voir ça dans les dernières années au Stade olympique de Montréal. Mais ce que vous me racontez, ce que j'entends dans ces extraits-là, c'est qu'il y avait un intérêt chez nous. Absolument. Même vous, là, vous passiez vos cours pour aller, quand vous étiez tout jeune, je passais mes cours au secondaire pour aller voir les joueurs, les Royaux au Stade des Lormiers. J'avais mal à la tête, j'avais mal aux dents, il fallait que je m'en aille, le prof me laissait aller. D'un coup, il me dit, coudonc, ça arrive souvent, ça. Ben oui, mais la saison vient de commencer, là. C'était tous les jours. Oui, non, c'était sûr. Puis je n'étais pas tout seul à faire ça non plus. Mais il faut voir aussi, c'est un retour, quand j'écoute l'historien que je connais, personnellement, mais j'ai lu des choses qu'il a écrites, c'est clair, c'est de retourner à la campagne aussi, Saint-Hyacinthe, à ce moment-là, c'est les fermiers, c'est tout ça, c'est retourner à les racines de qu'est-ce que c'est, le pastoral aussi, il ne faut pas oublier ça. Donc, on a accroché au baseball. Moi, je pense que le fait que les Québécois francophones, ou les Canadiens français qu'on appelait à l'époque, c'est notre américanité. Effectivement, on fait partie des Amériques. Et c'est pour ça qu'on commence à jouer au soccer. Pas parce qu'on a accroché sur les Européens, on a accroché sur l'Amérique latine. L'autre aspect de notre américanité. Donc, on joue des sports qui, effectivement, font partie des Amériques. Le baseball des États-Unis, le soccer qui vient de l'Amérique latine. Écoute, les meilleurs joueurs au baseball aujourd'hui, c'est les Cubains. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Imaginez-vous. Donc, ça fait partie de cette dynamique des Amériques dont nous faisons partie. Oui, on a bien des choses dans notre ADN, finalement. Ah, bah absolument. On est une composition mosaïque extraordinaire. Donald Cuccialetta, historien de la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Merci infiniment, M. Cuccialetta, d'avoir participé à notre émission. Merci. Aujourd'hui, à notre émission, recherche Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives, c'est Mario Bolduc. Site Internet, Mathieu Arsenault. Notre technicien aujourd'hui, c'est Martin Lavoie. À la réalisation, Mathieu Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou encore en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici, Alain Crevier, je vous souhaite une très bonne soirée. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and Cracker Jack. I don't care if I never get back. Let me root.